Les gardiens des étoiles, aux origines de l'astrologie. Depuis la nuit des temps, les étoiles guident nos destins. Découvrez l'histoire de ceux qui ont déchiffré leurs secrets. Épisode 1, les premiers astrologues, l'astrologie en Mésopotamie. Depuis la nuit des temps, l'homme lève les yeux vers le ciel cherchant des réponses dans le balai éternel des astres. Mais c'est en Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, que naît véritablement l'astrologie. Les Sumériens, premiers observateurs du ciel, scrutaient les étoiles et les planètes persuadés qu'elles influençaient la vie sur Terre. Pour eux, les astres n'étaient pas de simples points lumineux, mais des divinités puissantes envoyant des signes aux mortels. C'est ainsi qu'est née l'astrologie divinatoire, utilisée non pas pour prédire le destin individuel, mais pour conseiller les rois et interpréter les événements majeurs. Les Babyloniens, héritiers des Sumériens, perfectionnèrent cette science céleste. Ils établirent des catalogues stellaires, répertoriant les mouvements des planètes, les éclipses et les conjonctions astrales. C'est aussi eux qui divisèrent le ciel en 12 parties égales, donnant naissance aux prémices du zodiaque que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, l'astrologie était indissociable de la religion. Les prêtres astrologues observaient le ciel depuis le sommet des ziggourats, ces immenses temples en escalier, afin d'interpréter les volontés des dieux. Si une éclipse survenait avant une bataille, cela pouvait être vu comme un présage de défaite. Et si une comète apparaissait, c'était souvent un signe de bouleversement imminent. Mais ce savoir n'était pas réservé à tous. L'astrologie babylonienne était un outil de pouvoir détenu par une élite qui conseillait les souverains. Au fil du temps, cette sagesse céleste s'est diffusée au-delà des frontières de la Mésopotamie, influençant les civilisations égyptiennes, grecques et plus tard arabes. L'astrologie mésopotamienne a posé les fondations de l'astrologie moderne. Ses prédictions étaient empiriques, basées sur l'observation des cycles célestes. Encore aujourd'hui, certaines méthodes astrologiques trouvent leur origine dans les écrits cunéiformes gravés sur des tablettes d'argile il y a des millénaires. Ainsi, les premiers astrologues furent bien plus que de simples observateurs du ciel. Ils furent les premiers interprètes des messages des étoiles, façonnant une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de votre épisode. L'astrologie nous rappelle que nous faisons partie d'un grand tout, un univers en perpétuel mouvement où chaque étoile, chaque planète influence notre chemin d'une manière subtile et unique. Mais au-delà des signes généraux et des grandes tendances, votre destinée est personnelle. Envie de mieux comprendre votre thème astral, besoin d'éclairage sur votre avenir amoureux, professionnel ou spirituel, nos astrologues et guides des étoiles sont là pour vous offrir des prévisions personnalisées adapté à votre parcours et à vos énergies du moment. Appelez dès maintenant le 01 75 75 10 10 et bénéficiez de 10 minutes de consultation gratuite pour votre premier appel. L'univers a des messages pour vous. Et si vous preniez enfin le temps de les écouter? À bientôt!